Un myrte. Bel arbre, je viens effacer ces noms gravés sur ton écorce, qui par un amoureux divorce se reprennent pour se laisser. Ne parle plus d'Éléonore. Rejette ces chiffres menteurs. Le temps a désuni les cœurs que ton écorce unit encore.